money love. Des kilos de frappe sont dans le coffre de la mère qu'au Benzo D-Assis. T'es en cours de match, j'ai des frères qui sortent direct de cour d'assises. Je ne joue plus, je suis dans le futur à présent. Rase pas, y'a pas de service après vente. Bendo, bendo, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. Bricky, murder, Gucci. Un keuf sans arme, un poulet rôti. J'vois aucune concurrence. Yes, Pavarotti. J'ai pas élevé mon fils grâce au Tamagotchi. Siffy, Goro, de la peur. Ils me connaissent avant que je rappelle. Joue pas les gangsters, petit frère. On aura toujours été dans les faits divers. Dans les faits divers. Mais où sont les frères? Que des quiproquos. Les vrais robes, vrais négro type qui ralassent l'avocat. On veut péter des litres de coca. Je vois couler la couleur du coca. Amstram, gramme, kilogramme. Je casse mon chiffre d'affaires avec Karim ou Brahms. Ma pute aussi est longue, y'a pas que mon bras. Allô, maître Simona. Allô, bonjour monsieur Diallo. Bonjour. C'est combien la dot? Dites-moi c'est combien le tarot? Bientôt je perds donc j'ai des millions d'euros. Comme du Bricky, petit, tu es comme un solo. Charbon, cadavre, baveux, tu sors normal. Tu sors normal, imbécile. Dimanche à lundi, chez moi, la nuit je dors mal. La nuit je dors mal. Le game n'est pas un jeu, regarde petit con. Plus proche de la mec que du Vatican. Je m'en bats les couilles, les fans de viennent, je vais vendre la camolos. Los, cadavre, mon charlie, delta, va tout son corps. Si je prends mon fusil, il va cracher sur toi. Je suis dans la cuisine. Ce que je faisais pour toi, ma chérie, je fais des euros pour toi. Moi j'ai pas connu la dérive. 3000 euros en un mois, je trouve ça terrible. C'est pequeño, nique sa mère à Jacques Méry. Siffu, Goro, de la peur. Ils me connaissent avant que je rappelle. Mais où sont les vrais? Que des quiproquos. Les vrais robes, vrais négro type qui ralassent l'avocat. On veut péter des litres de coca. Je vois couler la couleur du coca. Amstram, gramme, kilogramme. Je casse mon chiffre d'affaires avec Karim ou Brahms. Ma pute aussi est longue, y'a pas que mon bras. Allô, maître Simona. Mais où sont les vrais? Que des quiproquos. Les vrais robes, vrais négro type qui ralassent l'avocat. On veut péter des litres de coca. Je vois couler la couleur du coca. Amstram, gramme, kilogramme. Je casse mon chiffre d'affaires avec Karim ou Brahms. Ma pute aussi est longue, y'a pas que mon bras. Allô, maître Simona. Shot.